cette lente fluidité qui ressort d'Adnos ne veut-elle pas dire, c'est une question que je me pose, qu'au lieu de faire sourdre le son du rien, vous laissiez surprendre par ce rien et par ce son, un peu comme si vous vouliez pénétrer en un temps qui aurait préexisté le vôtre et qu'alors vous pourriez étaler. C'est très joliment dit tout cela. Très très joliment dit. J'avoue que là, vous me laissez une réponse très très difficile parce que vous faites là une affirmation. Non, c'est une interrogation. Oui, le temps, la dimension temps. La dimension temps est essentiellement liée au son, puisque chaque instant, chaque seconde amène un temps différent, un contenu différent du temps. Et effectivement, je crois que c'est là un phénomène ou un facteur auquel l'homme contemporain est de plus en plus sensibilisé, quelle que soit la manière qu'il adopte pour rendre présent ce concept, que ce soit dans une agitation forcenée pour se donner l'impression d'en absorber davantage, ou au contraire en l'écoutant, ce qui peut être aussi une manière de l'oublier. Parce qu'en fait, les raisons pour lesquelles le temps, c'est vrai, est toujours très très étalé dans tout ce que je fais, et je crois dû à une nécessité, la nécessité intérieure du matériau sonore. Je prends le matériau sonore en un certain état, j'essaie de l'amener insensiblement, progressivement, en un autre état, et cela en prenant conscience de tout ce qu'il contient, en essayant de bien m'assurer ce qui est prêt à évoluer dans le contenu interne de ce matériau sonore. Et si par exemple on prend une note de musique bien sonore, bien ronde, bien pleine, bien riche, produite par un cuivre, la note contient tout, sa fondamentale, ses harmoniques, le tout dans un moment concentré et révèle tout en un seul temps d'éclat. J'utilise assez souvent des matériaux dont la fondamentale est très rauque, parce que les aspérités de cette fondamentale délivrent également leurs harmoniques, mais ces harmoniques se distillent dans le temps. Et c'est la rencontre de ces harmoniques qui crée une sorte de surmélodie à la limite du perceptible et pourtant très très profondément présente. Et je crois que je me laisse assez facilement obséder par cela. C'est-à-dire que très rapidement, j'oublie d'écouter ou d'entendre la pierre, enfin qui est là, présente, et toutes ses aspérités, pour attacher surtout mon écoute à tous les aspects, tous les éclats brillants que le matériau révèle en se développant.